Le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Bechtesen 2017, le comité suisse-coréen et le cercle d'études des études judiciaires de Suisse ont publié le 11 une déclaration commune en signe de soutien à la lettre ouverte des participants à la réunion conjointe du gouvernement, des partis politiques et des formations sociales de la République populaire démocratique de Corée adressée aux États-Unis.